بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Oui. Khair, inshallah, on commence un nouveau chapitre aujourd'hui. On commence le cours numéro 65 et on commence le nouveau chapitre maintenant sur la foi en les anges. Et on est toujours dans le livre de Cheikh Ibn Uthaymeen. Donc on est toujours dans le livre de Cheikh Ibn Uthaymeen, la Aqida d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Et on a terminé la première partie, le premier chapitre au sujet de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on est arrivé à la foi en les anges. Et le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit: "Wa nu'minu bi mala'ikatillah ta'ala wa annahum 'ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun." Donc le Cheikh Ibn Uthaymeen, comme vous avez pu le constater depuis le début du livre, lorsqu'on a parlé de la foi en Allah, tout ce qu'il mentionne, il commence la phrase, puis il continue l'explication par un verset. Donc c'est comme s'il veut à peine utiliser ses propres mots. Tout ce qu'il dit, c'est des versets et des hadiths. Hein? Donc il n'y a rien de qu'il prend de lui-même. Et ici, il dit, et nous croyons que les anges, hein, nous croyons en les anges d'Allah, et qu'ils sont des serviteurs honorés, hein, des serviteurs honorés qui ne le précèdent pas ils ne le précèdent pas par la parole, et ils agissent selon son commandement et son ordre. Donc, ils ne devancent jamais Allah subhanahu wa ta'ala par sa parole, et ils agissent selon les ordres d'Allah uniquement. Ça, c'est le premier verset que le Cheikh a cité, et c'est les deux versets, c'est 26 et 27 dans Surat Al-Anbiya. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, maintenant, il fait l'explication de ces deux versets-là en disant, ou bien avec le premier point par rapport à ça, il dit: "الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان حسب ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لجبريل عليه السلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته والملائكة عالم غيبي." Donc on va expliquer ça. Le Cheikh, il explique que les anges, la foi en les anges, c'est le deuxième pilier parmi les piliers de la foi, selon l'ordre dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les piliers de la foi à Jibril, lorsque Jibril est venu lui poser la question dans le hadith célèbre. Hein, quand il lui a posé la question, qu'est-ce que c'est la foi, qu'est-ce que c'est Al-Iman, eh bien il lui a répondu en disant: Al-Iman an tu'mina billahi wa malaikatihi. Donc il a dit la foi, c'est que tu crois en Allah, et après il a dit, et en ses anges. Donc le Cheikh, il mentionne ensuite que les anges, c'est un monde invisible. Hadha al-aslu fihim. Ça, c'est la base à propos des anges, c'est que c'est un monde caché, un monde raybi, un monde invisible. Fala nushahiduhum, on ne peut pas les voir. À la base, on ne peut pas voir les anges. Wa a'tahum Allah ta'ala quwwatan 'azimatan wa sur'atan balighatan wa jildan la yamalluna wa jaladan, pardon, wa jaladan la yamalluna ma'ahu al-'ibadah. Yusabbihun al-layla wal-nahara wa la yaftarun. Donc le Cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné aux anges une force immense. Donc les anges sont extrêmement puissants et forts, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une endurance, hein, une endurance étonnante. Ils ne se fatiguent jamais d'adorer Allah, et ils ne se lassent jamais d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les décrit en disant: yusabbihuna al-layla wan-nahar wa la yaftarun, yusabbihuna al-layla an-nahara aw yusabbihuna al-layla wan-nahara la yaftarun. C'est-à-dire ils font les louanges d'Allah et ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour, et ils ne se lassent pas, se fatiguent pas, hein, la yaftarun, ils cessent jamais. C'est pas comme quelqu'un, comme les êtres humains qui se fatiguent. Donc le Cheikh, il dit ensuite, il dit: وقوله وَنُؤْمِنُ hein, c'est ça comme je disais, les êtres humains, nous on se fatigue quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Si on commence à prier trop longtemps ou à réciter le Coran, après un certain temps on commence à se fatiguer. Les anges, non, jamais, ils ne se fatiguent pas. Hein? Toujours, ils adorent Allah, nuit et jour, sans arrêt, ils n'ont jamais la fatigue. Il dit ensuite, وَقَوْلُهُ وَنُؤْمِنُ بِمَلَائِكَةِ اللَّهِ وَأَنَّهُمْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يقول بملائكة الله أضاف المؤلف الملائكة إلى الله عز وجل لورود إضافة الله الملائكة إلى نفسه في قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. نعم. Donc on va expliquer cette partie. Le cheikh il dit que nous croyons en les anges d'Allah et que ce sont des serviteurs honorés qui ne le précèdent pas dans sa parole et qui agissent selon son commandement et son ordre. Donc le cheikh il a mentionné que il dit en les anges d'Allah, hein? Donc les anges il a attribué les anges ou associé les anges à Allah en disant les anges d'Allah. Et la raison de ça, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il se les est attribué à lui-même, ou bien plutôt, il se les est associé à lui-même dans plusieurs versets. Et le cheikh, il a cité un verset, par exemple, dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit Tawaffathu rusuluna. Tawaffathu rusuluna. C'est-à-dire que, yani, dans le verset 61, il dit « Nos messagers », en parlant des anges. Donc ici, il s'associe les anges. Hein, il mentionne les anges comme étant les siens. Hein, donc on a dit le verset 61 dans Surat Al-An'am, il dit « Amenez-le ». Non, c'est pas le... Peut-être qu'il y a une erreur ici dans... Oui, c'est ça. J'ai dit « c'est pas Al-Anbiya, c'est Al-An'am, pardon ». Surat Al-An'am, le verset 61. Tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Oui, il est le grand. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers enlèvent son âme sans aucune négligence. Nos messagers, donc il a attribué les anges à sa personne. Hein, comme si en voulant dire c'est mes anges. Et ça répond en même temps à la question que posent certaines personnes parfois. S'il y a un ange de la mort, hein, s'il y a un ange de la mort, et qu'il y a plusieurs gens qui meurent en même temps, alhamdoulilah, hein, s'il y a un ange de la mort, et qu'il y a plusieurs personnes qui meurent en même temps, hein, supposons par exemple, il y a eu une bombe qui a explosé, ou comme Hiroshima par exemple, hein, quand les Américains ont lancé la bombe sur Hiroshima et Nagasaki, combien de gens sont morts d'un seul coup, en même temps, hein? Des milliers de personnes. Donc, comme les gens ils posent la question, ils disent, mais comment ça se fait, s'il y a l'ange de la mort, comment il fait pour prendre l'âme de tous les gens en même temps? Et le cheikh, j'ai écouté une fois la question qui avait été posée à un cheikh, à ce sujet-là, et le cheikh il avait répondu avec ce verset-là. Il avait mentionné ce verset: Tawaffathu rusuluna hatta idha jaa ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Tawaffathu rusuluna, ça veut dire nos messagers, en parlant des anges. Donc l'ange de la mort, il a des anges avec lui qui l'aident à ramasser les anges des morts. Donc, oui, ils ramassent leur âme. Donc, ce n'est pas un seul ange tout seul qui ramasse l'âme de tout le monde. N'empêche que même ça aussi, ça n'aurait pas été impossible. C'est Allah qui sait comment il ramasse les anges. Exactement, comment il ramasse les âmes, c'est Allah qui sait. Mais c'est juste pour dire, certains, parfois, ils posent la question. Barakallahu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il dit ensuite... وقوله عباد مكرمون المكرم لهم هو الله عز وجل وقد يكرمهم غير الله كما في قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين فالملائكة هنا أكرمهم إبراهيم عليه السلام لأنهم جاءوا في صورة البشر. Donc le cheikh il dit que lorsqu'on dit que ce sont des serviteurs, c'est-à-dire les anges sont des serviteurs honorés. Celui qui les honore, c'est Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Et c'est possible que d'autres, que Allah les honore aussi. Et il mentionne l'exemple d'Abraham dans le verset 24, dans Surat al-Dhariyat, lorsqu'il dit, ne t'est-il pas venue la parole des invités d'Ibrahim qui ont été honorés? Hein? Daif Ibrahim, les invités d'Ibrahim, c'est-à-dire lorsqu'il a eu la visite des anges. Les anges sont venus le visiter sous forme humaine. Et Abraham, les a honorés. Donc ici, le cheikh, il mentionne qu'ils peuvent être honorés, ces anges, non seulement par Allah, mais également, ils peuvent être honorés par d'autres que Allah, par exemple, le prophète Abraham. Parce qu'ils sont venus avec une apparence humaine. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, ils peuvent, à la base, c'est qu'ils sont invisibles, les anges. C'est un monde invisible. Les anges, on ne les voit pas. Sauf que parfois, ça peut arriver qu'ils prennent des formes humaines et qu'ils apparaissent comme s'ils étaient des êtres humains. Ça arrive et c'est arrivé à l'exemple de plusieurs prophètes, dont par exemple l'exemple d'Ibrahim, Abraham et d'autres prophètes aussi. Après le cheikh, il dit « خَلَقَهُمْ تَعَالَى مِنْ نُورِ » C'est-à-dire que la source ou l'origine, la matière ou l'origine avec quoi ils ont été créés à la base, c'est la lumière. Ils ont été créés de lumière. Donc les anges sont des êtres de lumière. Et le cheikh il explique avant ça le verset, la fin du verset, « لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ » يعني أنهم لا يتقدمون بين يديه فيقولون ما لا يقول ولا بالفعل أيضا ولهذا قال وهم بأمره يعملون قوله بأمره الباء للسببية وكذلك أيضا للمصاحبة أي يعملون عملا على حسب ما أمرهم به ويعملون عملا بسبب أمره فَيُبَادِرُونَ بِالْعَمَلِ. Donc, les anges, une de leurs caractéristiques aussi, c'est qu'ils ne peuvent pas désobéir à Allah. Ils ne peuvent pas donc le précéder dans sa parole et ils ne peuvent pas donc parler devant lui sans sa permission et ils ne peuvent pas non plus agir en dehors de son commandement. Donc ils agissent selon ce que Allah a ordonné. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne de faire quelque chose, ils le mettent en application sur le champ. Ils le font immédiatement et automatiquement. Et le fait qu'il les a créés de lumière, comme le cheikh il dit, وَقَوْلُهُ خَلَقَهُمْ تَعَالَى مِنَ النُّورِ أو مِنْ نُورِ كَمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُمْ خُلِقُوا مِنْ نَارِ من نور عفوا يعني شو فاتيغي aujourd'hui je pense انهم خلقوا من نور. Donc il dit, et également donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans Kitab al-Zuhd selon Aisha radiyallahu anha, il dit que les anges ont été créés de lumière, sont créés de lumière. فالجواب على ذلك من وجهين. فإن قال قائل كيف يخلقون من نور وهم أجسام. Ça c'est des questions des fois, tu dis subhanallah, pourquoi les gens ils posent des questions comme ça. Et là le cheikh il dit فالجواب على ذلك من وجهين. أولا أن كثيرا من الناس يقولون إن النور جسم. وثانيا أن نقول إن الله على كل شيء قدير. فهو قادر على أن يخلق مما ليس بجسم جسما. كما أنه قادر على أن يحول ما ليس جسما جسما. أرأيتم الموت؟ فإنه يؤتى به يوم القيامة في سورة كبش، وينادى أهل النار وأهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، فيذبح بين الجنة والنار. فهنا جعل الله تعالى الموت وهو أمر معنوي جسما، والله على كل شيء قدير. بل الأعمال الصالحة على القول بأن الذي يوزن هو العمل وهو الصحيح، تجعل يوم القيامة أجساما وتوزن. وعلى المسلم إذا أخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء أن يؤمن بدون تشكيك ولا تشكك، وبدون كيف وبدون لما. فلا تسأل عن كيف، لأن قدرة الله تعالى فوق عقلك، ولا لما، لأن حكمة الله فوق إدراكك. بل عليك أن تسلم وتقول صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. La réponse de Cheikh Ibn Uthaymeen, elle est vraiment bénéfique, elle est vraiment claire. Il dit, quand si quelqu'un te pose la question, mais comment Allah les aurait créés de lumière, les anges, alors qu'ils ont des corps, ce sont des corps. Et il répond de deux façons, ou bien par deux points. La première, c'est que beaucoup de gens disent que la lumière est un corps. Beaucoup de gens disent que la lumière est un corps. Bon, ils disent que la lumière s'est créée de photons. C'est des photons. C'est ça, de matière. Et il y en a d'autres qui disent que c'est des ondes. Il y en a qui disent que c'est des photons. Bon, à la kulli hal, c'est des interprétations différentes. Et il dit, deuxièmement, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Il a le pouvoir sur toute chose. Et il est capable de créer quelque chose qui n'a pas de corps et d'en faire un corps. Et il dit, il est capable de changer ou de transformer ce qui n'est pas un corps en un corps. Il dit, comme par exemple, la mort. Il dit, la mort, c'est une chose abstraite. C'est pas quelque chose de palpable. Sauf qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir la mort avec la forme d'un bélier. Oui, c'est ça, kabsh. Et il va appeler les gens du paradis et les gens de l'enfer. Il va leur dire, est-ce que vous reconnaissez celui-ci? Ou est-ce que vous reconnaissez ceci? Et les gens de l'enfer et les gens du paradis vont dire oui. Et il va à ce moment-là égorger la mort entre le paradis et l'enfer. Et il va leur dire, pour les habitants du paradis, c'est à l'éternité, il n'y a plus de mort. Et pour les gens de l'enfer, c'est pour l'éternité, il n'y a plus de mort. Donc, à partir de ce moment-là, que les gens du paradis sont rentrés au paradis, que les gens de l'enfer sont rentrés à l'enfer, là, il n'y a plus de mort à partir de ce moment-là. Et il égorge la mort, sous forme d'un bélier, comme on a dit. Donc, ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de prendre quelque chose qui est abstrait, quelque chose qui n'est pas physiquement présent, et d'en faire un corps. Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de faire toutes choses. Il dit, même les bonnes œuvres qu'on fait, les prières, le jeûne, l'aumône, la charité, toutes les bonnes choses qu'on fait, c'est des actes, Eh bien, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va les peser, ces actions-là, sur une balance. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas palpable, nos bonnes œuvres, une fois qu'on les a faites, c'est pas quelque chose qui est palpable, qu'on peut toucher, mais Allah va les rendre palpables, va faire en sorte qu'elles soient, qu'elles aient un poids, ces œuvres-là. Et puis, c'est pour dire, en fait, que Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner une valeur ou un poids selon, bien entendu, la sincérité de la personne. Peut-être que deux personnes peuvent faire le même action ou la même œuvre. Par exemple, toi tu vas donner $100 Et le frère Ibrahim va donner 100 dollars pour une sadaqa, comme une charité au monde. Mais ça ne veut pas dire que dans la balance, ce 100 dollars-là, il va avoir le même poids. Peut-être que pour celui-là, son 100 dollars va valoir une montagne. Et que peut-être pour l'autre, ça va être comme une plume. Mais c'est Allah qui sait. Mais c'est selon l'intention de la personne aussi. Et le prophète, il a mentionné ça, parce que parfois les œuvres peuvent être multipliées. Quand tu fais des bonnes actions, Allah peut multiplier la valeur de ces bonnes œuvres-là. Pour certains, ça peut valoir 10 fois plus, pour d'autres, ça peut valoir 100 fois plus, pour d'autres, ça peut valoir des milliers de fois plus, selon la grandeur de la sincérité et de la foi de la personne. Et donc, il dit, il y a des gens qui disent même qu'au jour de la résurrection, les corps des personnes vont être pesés, non seulement leurs actions, mais aussi leur corps physiquement. Et le corps de la personne, quand il va être pesé, eh bien encore là, une fois, ça ne sera pas pesé selon sa masse physique. Parce qu'il dit qu'il y a des gens qui vont être immenses, c'est-à-dire ils vont être très gros, et quand ils vont monter sur cette balance-là, ils ne vont même pas peser l'aile d'une mouche. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont petits, minces, qui ne pèsent rien, et ils vont peser comme des montagnes. Et l'exemple de Abdullah ibn Mas'ud, je crois que c'était Abu Huraira ou Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, quand il est monté dans l'arbre, et il y en a qui se moquaient de la finesse de ses jambes, parce que sa jambe était très fine, hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que c'est de sa jambe que vous vous moquez? Il dit, elle est plus lourde dans la balance que la montagne de Uhud. Donc, ça veut dire que tu peux être mince, mais dans cette balance-là, tu vas peser très lourd, selon ta foi, selon les efforts que tu as fait dans ta religion. Et donc, ça, c'est des exemples. Et c'est pour ça que le cheikh, il dit ensuite, que le musulman, lorsque Allah, subhanahu wa ta'ala, et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe de quelque chose, il faut croire sans aucun doute et sans aucune hésitation. Et il ne faut pas poser la question, comment est-ce possible? Tu dis, mais comment les anges peuvent être créés de lumière? Toi, tu ne le sais pas, hein? Mais Allah, il le sait. C'est comme les gens, ils disent, le shaitan, Iblis, il est créé de feu. Les djinns, à la base, sont créés de feu. Alors, ils ont dit, mais s'il est créé de feu, comment il va être châtié dans le feu? Hein? Donc, quel raisonnement qui est limité, parce qu'ils n'ont pas compris la grandeur, la capacité d'Allah. L'être humain, à la base, il est créé de terre. Et pourtant, il peut être écrasé par la terre. Hein? Donc, si l'être humain est créé de terre, il peut être écrasé par la terre. Est-ce que Allah n'est pas capable de créer Iblis de feu et le châtier dans le feu? Oui, il est capable. Hein? Et en même temps aussi, on dit que l'origine de sa création, c'est le feu. Mais ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement en feu. Comme nous, l'origine de notre création, c'est la terre, mais on n'est pas en terre. Hein? Donc il faut pas essayer de faire des analogies et d'essayer de réduire les choses de cette façon-là. On ne doit pas poser la question donc de cette façon, de dire comment, par rapport à l'invisible, de demander pourquoi aussi. Pourquoi Allah il fait ça? Pourquoi Allah il fait pas ça? Pourquoi Allah il m'a pas donné à ma naissance 2 millions de dollars? Hein? Pourquoi il a donné à l'autre? Hein? Un héritage, puis à moi il ne l'a pas donné. On ne doit pas poser cette question. Ça, c'est la sagesse d'Allah. Il fait ce qu'il veut. Et il sait pourquoi il le fait. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'il y a un bien dedans. Peut-être que toi, tu ne le connais pas, tu ne le vois pas. Mais Allah, il sait pourquoi il l'a fait et c'est pour une bonne raison. Et on ne doit pas donc demander le pourquoi, et on ne doit pas demander le comment. Il dit, on ne demande pas le pourquoi parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, sa capacité dépasse notre entendement et notre raison. Et on ne doit pas demander le comment, ou bien le pourquoi plutôt, parce que la sagesse d'Allah est au-dessus de notre compréhension. On ne peut pas tout comprendre. Donc, on doit se soumettre. Et c'est ça le sens même d'être musulman. Parce que le mot islam signifie la soumission. Et donc, celui qui fait la soumission, alladhi yuslim, huwa al-muslim. Le muslim, c'est, qu'est-ce qu'on traduit, qu'est-ce qu'on dit en français, musulman. C'est en réalité le muslim en arabe. C'est celui qui applique l'islam. Islam, muslim, c'est la même racine. Donc ça veut dire celui qui s'est soumis à son créateur, qui a soumis son âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le musulman, quand il entend quelque chose par rapport à l'invisible, par rapport au ghaib, par rapport à l'au-delà, par rapport à qu'est-ce qu'on ne peut pas voir, les anges et des choses comme ça, on dit sadaqallah, on dit Allah a dit vrai, même si on n'arrive pas à le saisir ou à le comprendre, parce que notre compréhension elle est limitée. Et après il dit à propos des anges, faqamu bi'ibadatihi wa anqadu lita'atihi la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastashhirun yusabbihuna al-layla wa an-nahara wa la yaftarun yusabbihuna al-layla wa an-nahara la yaftarun wa hujajuhum حجبهم الله عنا فلا نراهم. Donc le cheikh Ibn Uthaymin il dit ensuite qu'ils ont établi l'adoration d'Allah, ils se sont soumis à Allah par son obéissance, donc ils ont obéi à Allah de façon complète. Le cheikh Ibn Uthaymin il explique ça en citant un verset pour l'établir, le verset 19 et 20 dans sourate Al-Anbiya. Donc on va lire la traduction. Donc, il dit, la yastakbirun. La yastakbirun, ça veut dire, ils ne s'enflent pas d'orgueil. Donc, les anges ne sont pas arrogants ou orgueilleux. Hein? Ils se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala et ils l'adorent. Naam. Ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges, ne se considèrent pas trop grands pour l'adorer et ils ne s'en lassent pas. Yani, ils ne se lassent jamais, ils ne se fatiguent jamais d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ne s'enflent pas d'orgueil, ils ne se pensent pas trop grands pour l'adorer, et ils ne se lassent pas, ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, ils glorifient sa gloire nuit et jour, et ne s'interrompent jamais. C'est-à-dire ils ne cessent jamais d'adorer Allah, même pas un instant. À chaque instant, à chaque respiration, à chaque moment, il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala les a cachés de nos yeux par un voile. Il nous a voilés, on ne peut pas les voir. Vous imaginez si on pouvait voir les anges, hein? Si on pouvait voir les anges, il n'y aurait personne qui douterait en l'existence de Dieu. Il n'y a personne qui pourrait douter en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a donc cachés de nos yeux pour une sagesse. Hein? Parce que Allah veut nous éprouver pour voir qui est sincère, qui cherche la vérité, qui veut croire réellement. Mais si on pouvait le voir, il n'y aurait pas de test. Alors il n'y aurait pas de sagesse dans ce cas-là. Hein? Mais il a permis à certaines personnes, à certains parmi les hommes, de les voir, c'est-à-dire les prophètes et les messagers. Hein? Et dans le but de justement d'éprouver les hommes et de les tester. Donc il explique que il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne délaisse jamais l'adoration, il ne se lasse jamais et il ne diminue jamais de ferveur dans leur adoration d'Allah. Ensuite, il dit, en expliquant le verset, wa qawluhu yusabbihuna al-layla wa an-nahar la yaftarun. Allahu akbar. Al-layl huna dharf zaman. Wa an-nahar ma'tufun alayhi. Falam yaqul yusabbihuna fi al-layl, bal qal يسبحون الليل والنهار إذن تسبيحهم مستمر في كل آن ولحظة ولو كان التسبيح في بعض الآنات لقال في الليل والنهار إذن هم يلهمون التسبيح كما نلهم نحن النفس دائما بدون تكلف وهم كذلك يسبحون الليل والنهار. Donc le cheikh il dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit il glorifie nuit et jour. Il n'a pas dit il glorifie Allah dans la nuit et dans le jour. Non, il a dit nuit et jour. Ça veut dire il n'y a pas un instant parmi les moments dans lesquels il ne glorifie pas Allah. C'est-à-dire sans cesse. Et ça veut dire qu'il ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration ou la glorification d'Allah est une chose qui est inspirée en eux, de la même manière que nous, les êtres humains, on respire sans même le contrôler ou le calculer. Quand tu dors, tu respires, tu sais même pas que tu es en train de respirer. Même la journée, des fois, tu marches, tu bouges, tu parles, tu fais qu'est-ce que tu fais. Tu respires, tu réfléchis pas. Ah, il faut pas que j'oublie de respirer. Hein? Si j'oublie de respirer, je vais mourir. Non, t'as pas besoin de penser à ça. C'est quelque chose qui se fait automatiquement. Hein? Eh bien, les anges, c'est comme ça aussi. La glorification d'Allah pour eux, c'est quelque chose qui est naturel. Ça s'arrête jamais. Ils peuvent même pas s'arrêter. C'est quelque chose qui est c'est quelque chose qu'il fait sans effort. C'est quelque chose qu'ils font sans effort. Ils glorifient donc Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour et ils ne se lassent jamais. Et il dit ensuite, à propos de l'autre partie, l'autre phrase, il dit وَحَجَبَهُمُ اللَّهُ عَنَّا فَلَا نَرَاهُمْ. Il dit والحكمة من ذلك من وجهين. الوجه الأول أن يكون إيماننا بهم إيمانا بالغيب. والإيمان الإيمان بالغيب هو الذي يمدح عليه الإنسان وهو الذي ينفع الإنسان. أما الإيمان بالمشاهدة فلا يحمد عليه الإنسان ولا ينتفع به ذلك الانتفاع. ولذلك إذا حضر الموت آمن الإنسان بعد حضور الموت لا ينفعه الإيمان لأنه الآن مشاهد. Donc le cheikh il dit, le fait que Allah nous ait caché les anges et qu'on puisse pas les voir dans ce monde, eh bien il y a dans ça une sagesse. Et il explique que cette sagesse, on peut l'expliquer de deux points de vue. Le premier point, c'est que notre foi en les anges, c'est une foi en l'invisible, hein, en qu'est-ce qui est caché. Et le fait de croire en qu'est-ce qui est caché, c'est pour ça que l'être humain il sera glorifié, ou bien c'est ça qui est louable pour un être humain. Parce que de croire en qu'est-ce qui est visible, il n'y a rien d'exceptionnel ou de particulier là-dedans, puisque c'est quelque chose que tu vois. Tu te dis, est-ce que tu crois en l'existence du soleil? Tu dis, oui, je crois en le soleil, on le voit tous les jours. Hein? Est-ce que je crois en l'existence des étoiles? Oui, je vois les étoiles tout le temps. Est-ce que je crois que le vent existe? Oui, le vent, il existe, je le vois tout le temps. Mais les anges, je ne les vois pas. C'est pour ça qu'il y a un mérite dans le fait de croire en les anges, parce qu'on ne les voit pas. Hein? C'est là le test. Et c'est pour ça que le cheikh, il dit, au moment de la mort, lorsque les anges viennent pour ramasser ton âme, à ce moment-là, tu vois les anges pour la première fois. Alors, il ne sert plus à rien de dire à ce moment-là que tu crois parce qu'il est trop tard. Du moment que tu as vu le ghaib, tu as vu l'invisible, à partir de ce moment-là, c'est fini, le test est fini. Hein? C'est comme quand tu es à l'école, ton professeur t'a donné la copie. Hein? Après, quand il a dit l'examen est fini, il vient, il ramasse ta feuille. Tu ne peux pas dire, oh, mais maintenant j'ai trouvé la réponse. Il est trop tard. Il est trop tard pour écrire. La copie, il la ramasse. Eh bien, au moment de ta mort, ton test, il est fini. Ça veut dire, même si tu dis à ce moment-là, tu dis, maintenant, oui, ça y est, j'ai cru maintenant. Je crois en Allah. J'accepte la foi. Trop tard, c'est fini. Parce que tu as vu les anges avec tes yeux maintenant. Ce jour-là, maintenant, ta voix, elle est perçante. Elle est tranchante. Donc, tu ne peux plus nier. Même si tu veux, tu ne peux pas. Parce que tu vois les anges. Et franchement, je te dis, moi, dans tout ce que j'ai lu par rapport à l'explication de l'au-delà et qu'est-ce qui a rapport avec, qu'est-ce qui vient après, il n'y a pas un moment qui me fait plus peur que ce moment-là. Parce que c'est le moment de vérité. Quand tu vois les anges, c'est là que tu sais que tout ce que Allah avait dit, c'était la vérité. Et tout ce que Allah avait promis, c'était la vérité. Donc, qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui vient? Hein, tu sais qu'il n'y a pas de doute. Exactement. Parce que les anges, selon que tu as été croyant, ou selon que tu as été mécréant, ou selon que tu as été bon, ou que tu as été mauvais, les anges, ils viennent prendre ton âme selon ce que tu as fait. Hein? Et comme c'est décrit dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que l'âme du croyant quand les anges viennent la prendre, elle se laisse prendre doucement. Elle sort facilement du corps. Et il y a une description qui est donnée dans le hadith, j'ai oublié exactement, mais c'est pour montrer à quel point elle sort comme si elle glissait facilement. Tandis que l'âme de la personne qui était dans la désobéissance et le péché ou la mécréance, elle se retient, c'est-à-dire elle résiste, elle ne veut pas sortir. Exactement, elle sait ce qui l'attend. Et il a décrit la façon comment elle est arrachée du corps de la manière qu'une broche est tirée de la laine. C'est comme si on tire une broche de la laine, ça veut dire que s'il y a une résistance parce qu'elle ne veut pas sortir. Donc, depuis ce moment-là, si la personne, elle sait qu'elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire ou qu'elle a fait ce qu'elle ne devait pas faire et qu'elle voit les anges de la mort qui s'approchent pour ramasser son âme, même dans le visage dans l'apparence des anges, ils ne sont pas pareils, que ce soit des anges de la mort qui viennent avec la miséricorde ou les anges qui viennent avec le châtiment. Chacun, il a une apparence différente. Donc tout de suite, la personne, elle sait où est-ce qu'elle s'en va et qu'est-ce qui l'attend par la suite. Et le cheikh il dit ensuite الوجه الثاني فلا ننزعج لو كنا نرى الملائكة معنا عن اليمين وعن الشمال عن الشمال قعيد يحضرون الدروس ويجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول وما أشبه ذلك لربما كان هذا قلق وانزعاج لا سيما من صغار العقول ولهذا كان من الحكمة أن يحجبهم الله عنا. Donc le cheikh il dit deuxièmement, c'est qu'il y a certaines personnes qui auraient été dérangées ou embêtées par la présence des anges. Si on voyait l'ange à droite et l'ange à gauche qui écrivent, l'ange de droite qui écrit toutes nos bonnes actions et l'ange de gauche qui écrit tous nos péchés et nos mauvaises actions, et qu'on les voyait présents tout le temps à côté de nous comme ça, ou qu'on voyait les anges à l'entrée de la mosquée le vendredi quand ils écrivent tous ceux qui rentrent, le premier jusqu'au dernier en ordre, ou bien les anges comme ça, peut-être qu'on serait embarrassé ou gêné par ça. Donc en même temps aussi, c'est comme je disais tout à l'heure, si on le voyait tout ça, comment on pourrait douter? Comment on pourrait douter de qu'est-ce que Allah a dit et de qu'est-ce qu'il a promis? Donc, il y a une sagesse dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait caché ces choses-là. Et des fois, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait le monde dans lequel on vit, il est tellement toutes les choses se suivent, toutes les choses sont toujours pareilles. Le matin, le soleil se lève toujours à la même heure. Il se couche toujours à la même heure pendant toute l'année. C'est-à-dire que l'hiver, il se couche le soleil se couche plus tôt. L'été, il se couche plus tard. Il y a des changements durant l'année, mais chaque fois, c'est toujours la même chose. Et on est tellement habitué au rythme quotidien que les choses sont toujours pareilles, que de voir une chose qui vient briser ou changer qu'est-ce qui est naturel pour nous, ce serait comme un choc. Il n'y a pas de doute que si un ange apparaissait dans le ciel, au-dessus de la terre, un ange qui est plus grand que la terre elle-même et que le soleil, et qui couvrirait le ciel, puis qu'on regarderait tous les êtres humains, verraient ça, peut-être que beaucoup seraient tellement choqués de voir ça, peut-être qu'ils seraient morts. Mort de panique. Peut-être ils auraient pensé que c'est des extraterrestres ou je ne sais pas quoi. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains, ils auraient été terrorisés. C'est clair. Ils auraient eu peur. Et donc, Allah, il est miséricordieux. Il sait que ce n'est pas tout le monde qui peut supporter de voir ces choses du rêve. Il dit « وَرُبَّمَا كَشَفَهُمْ لِبَعْدِ عِبَادِهِ فَقَدْ رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته على صورته له 600 جناح أو جناح قد سد الأفق وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا. Donc il dit justement par rapport à ce que j'expliquais que si pour certains êtres humains certains êtres humains ont vu les anges dans leur vraie apparence, leur apparence d'ange, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il a vu Jibril dans son vraie apparence et il a dit qu'il a 600 ailes et que ses ailes couvrent l'horizon au complet. L'horizon, c'est-à-dire quand tu regardes la terre à l'horizon, eh bien, avec ses anges, il couvre, avec ses ailes, il couvre l'horizon. Et le cheikh, il dit à ce sujet-là, il dit, قوله ربما, donc il mentionne ça, il dit, ربما هذا للتقليل. 600 جناح, يعني لملك واحد, وقد سد الأفق كله. حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء ولما رآه لا يرى السماء إطلاقا يعني قد انحجبت السماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاهده من جبريل ويحتمل أن يكون قد سد الأفق يعني الأفق الشرقي أو الغربي أو الشمالي أو الجنوبي ولكن الظاهر الأول. Donc le cheikh il dit, quand on dit rubbama, c'est comme pour limiter l'affaire, mais sinon, quand on dit qu'il avait 600 ailes, Jibril, et ça c'est juste un seul ange, parce que le nombre des anges, il n'y a personne qui le connaît. C'est-à-dire, il y a tellement de nombreux, les anges sont tellement nombreux, on ne peut pas les calculer. C'est seulement Allah qui connaît leur nombre exact. Subhanahu wa ta'ala. Et il dit, avec un seul d'entre ces anges qui est Jibril, il couvre l'horizon avec ses ailes. Il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans la caverne de Hira à Mecca, lorsqu'il a eu la révélation pour la première fois, il a vu Jibril dans le ciel, il ne voyait plus le ciel, il ne voyait que Jibril. Tellement Jibril est immense, il regardait, il voyait que Jibril. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tellement il est immense. Il dit, bon, peut-être que quand il dit qu'il couvrait l'horizon, est-ce que c'est l'horizon vers l'est ou l'ouest, ou le nord ou le sud? Il dit, qu'est-ce qui est apparent? C'est la première chose, c'est-à-dire qu'il a couvert le ciel au complet. Et il dit, فَإِنْ قِيلَ كَشْفُ الْمَلَائِكَةِ لِبَعْدِ عِبَادِ اللَّهِ هَلْ هَذَا الْأَمْرُ مَا زَالَ سَارِيًا أَمْ هُوَ خَاصٌ بِزَمَنِ النُّبُوَّةِ فالجواب الظاهر أنه قد يكشف لسبب مثل ما لو ضاع أحد من الناس فأكرمه الله بالملك يدله فهذا قد يكون. Quelqu'un a posé la question au cheikh, ou bien lui-même il pose la question comme ça, est-ce que c'est possible que comme si le fait que certaines personnes parmi les serviteurs d'Allah puissent voir les anges, est-ce que ça c'est quelque chose qui peut toujours exister, ou bien c'est quelque chose qui était spécifique à l'époque de la prophétie et que c'est fini maintenant, ça ne peut plus être? Et le cheikh il répond en disant que qu'est-ce qui est apparent, le sens apparent c'est, ce serait que ça se pourrait que ce soit dévoilé ou montré à quelqu'un, par exemple si quelqu'un parmi les gens sont perdus et Allah veut l'honorer. Donc il peut, parfois, ça peut arriver qu'il lui fasse voir l'ange dans le but de l'orienter et de le guider. Il dit que ça c'est possible. Que certaines personnes, Allah les honore en leur permettant de voir l'ange. Mais ça c'est pas à tout le monde que ça arrive. Ce serait dans ce cas-là un genre de karama, genre de prodige, miracle, pour certaines personnes. Et il dit, par contre, lorsqu'il s'est présenté à Marie, la mère de Jésus, Mariam, la mère de Issa, eh bien, il s'est présenté comme sous l'apparence d'un homme. Donc, Jibril, alayhi salam, l'ange Gabriel, il est venu à Marie sous la forme d'un être humain. Hein? يعني تمثل جبريل لمريم بشرا سويا. Hein? Un bel homme, de belle apparence. Il dit أي تاما تام البشرية كأنه تام. Ok, donc on va s'arrêter pour aujourd'hui ici. Inch'Allah. Et on continuera demain la suite de cette explication, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واياكم